200 ans, le 11 mars 1818 paraissait presque sous le manteau tiré à 500 exemplaires, un ouvrage anonyme préfacé par un certain Percy Shelley intitulé Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il faudra peu de temps au public pour découvrir que l'auteur n'est pas le préfacier mais son épouse Mary. Et c'est ce roman que l'histoire de la littérature retiendra comme étant le premier d'un genre nouveau mêlant contes fantastiques, réflexions morales, politiques et progrès scientifiques, la science-fiction. 2 siècles plus tard, Frankenstein vit encore, lui et sa créature, visage d'une monstruosité trop humaine et du scientifique démiurge à jamais débordé par sa propre création. Frankenstein, le premier monstre de la science, tel est notre programme pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous narrer ces 200 ans d'histoire et les multiples visages qu'a revêtu ce mythe littéraire autant que scientifique, nos savants fous sont aujourd'hui Catherine Lannon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Bonjour Jean-Claude Audin. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en intelligence artificielle, auteur notamment d'une réédition récente, un spécial bicentenaire du Frankenstein de Mary Shelley que vous avez préfacé aux éditions Science e-book, ainsi que de créatures artificielles des automates au monde virtuel chez Odile Jacob. Et il est lui-même, en atteste son état aujourd'hui, d'un miracle de la science, Simon Rio. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes rédacteur en chef du site Écran Large, mais avant de nous plonger à la source de ce récit de science-fiction horrifique. Elle est la fiancée non pas de Frankenstein, mais de l'actualité scientifique la plus immédiate. Bah ouais. Galvanisée par les toutes dernières recherches à peine publiées, c'est Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et on ouvre ce journal avec cette découverte importante. Une équipe d'astronomes de l'université d'Arizona annonce cette semaine dans un article paru dans Nature avoir détecté les signaux liés à la formation des toutes premières étoiles de l'univers. Alors ça fait des dizaines d'années qu'on cherche à capter des signaux liés à la naissance de ces premières étoiles parce que, on l'a rappelé, il faut le rappeler, on a capté la première lumière de l'univers, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, à qui vous avez consacré une très bonne émission en octobre, rayonnement fossile qui remonte à 380 000 ans après le Big Bang, donc juste après. Mais l'univers s'est ensuite refroidi, dilaté, et sont arrivés ensuite en nombre des étoiles suffisamment jeunes, en tout cas pour qu'on puisse en voir la lumière. Mais entre-temps, c'est ce qu'on appelle l'âge sombre de l'univers, qui n'est à ce moment-là constitué que de gaz très froid, essentiellement d'hydrogène neutre. Et c'est dans ce contexte que se forment les toutes premières étoiles, dont la lumière est trop ancienne pour qu'on puisse aujourd'hui les observer. Et bien pour la première fois, une équipe qui a utilisé un tout petit radiotélescope baptisé EDGES aurait trouvé leurs traces et aurait même pu dater approximativement leur naissance. Raoul Monsalvé est cosmologue expérimental à l'université d'Arizona et c'est le co-auteur de cette étude. Il m'a expliqué quelles méthodes ils ont utilisées. Our team has been trying for more than 12 years to measure the radiation that was emitted by neutral hydrogen. Cela fait 12 ans que notre équipe essaie de mesurer à l'aide d'un radiotélescope les signaux émis par l'hydrogène neutre qui était présent dans l'univers au moment de la formation des toutes premières étoiles. Lorsqu'elles sont apparues, les premières étoiles émettaient des rayons ultraviolets et ces rayons UV ont impacté l'hydrogène neutre. Et cet hydrogène neutre a émis en retour des ondes radio. On connaît bien la signature spectrale de ces ondes radio, 1,4 GHz. Donc on pourrait se dire qu'il nous fallait un radiotélescope sensible à cette fréquence, 1,4 GHz. But that is not the case. The reason is that the universe has been expanding. Mais en fait non. Pourquoi? Parce que depuis ses débuts, l'univers est en expansion. Et à cause de cette expansion, les ondes radio se sont étirées, et quand elles arrivent sur Terre, elles sont plus longues, et leur fréquence est donc plus basse. Notre radiotélescope devait donc être sensible à ces fréquences plus basses. Oui, mais à quel point? Les modèles théoriques nous prédisaient que ces ondes pouvaient être mesurées à une fréquence proche de 100 MHz. Nous avons donc construit nous-mêmes un radiotélescope en fonction de ces estimations que nous avons installé dans le désert dans l'ouest de l'Australie, l'un des endroits du monde où il y a le moins d'interférences radio. Nous avons capté un large éventail de fréquences et enfin, début 2016, nous avons commencé à détecter un signal centré autour de 78 MHz, donc un chiffre assez proche des estimations des théoriciens. Et cette fréquence nous indique que le processus de formation des premières étoiles a probablement commencé 180 millions d'années après le Big Bang. Voilà, on mesure l'importance de cette découverte et l'enthousiasme qu'elle a pu susciter. Mais évidemment, Zoé, pour l'ampleur de la découverte que ça représente, cette lumière des premières étoiles, eh bien évidemment, il y a un certain nombre de doutes qui subsistent et en tout cas, encore aujourd'hui, beaucoup de questions. Oui, alors tout le monde, d'une part, évidemment, les auteurs de cet article, les premiers d'ailleurs, appellent à la confirmation de ces données par d'autres radiotélescopes. On sait qu'il y en a des très importants qui vont être mis en service dans les prochaines années. Mais Brian Schmidt, le prix Nobel de physique 2011, parle d'une découverte révolutionnaire, la plus importante depuis la découverte des ondes gravitationnelles en 2015. Pourquoi ? Parce qu'en plus de donner donc cet âge à ces premières étoiles, l'article de ces astronomes de l'Arizona nous apprend que le signal radeau qui a été émis par cet hydrogène neutre pendant la formation des premières étoiles est en fait beaucoup plus puissant que ce qu'on imaginait, ce qui laisse penser que donc l'hydrogène neutre était à ce moment-là plus froid. C'est pour ça que ce signal est plus puissant qu'on le pensait. Alors pourquoi était-il plus froid ? C'est la question à laquelle tente de répondre un deuxième article paru toujours dans la même édition de ce numéro de Science. Une équipe israélienne, cette fois, a émis l'hypothèse que l'hydrogène neutre présent dans cet univers très jeune aurait interagi avec cette fameuse mystérieuse matière noire qui lui aurait en retour transféré son énergie et sa chaleur. Alors j'ai demandé son regard sur ces deux articles à Jean-Marc Bonnet-Bidot, astrophysicien au CEA et spécialiste de l'histoire de l'univers. Écoutez-le. Alors je pense qu'essentiel, c'est qu'on arrive à observer quelque chose dans un âge assez reculé de l'univers. Et ça, c'est pas tout à fait facile. Et le fait que ça a pris beaucoup de temps, c'est parce qu'il faut des télescopes qui soient sensibles. Puis ensuite, on a beaucoup d'autres choses autour de nous qui émet cette radiation dont on parle, parce que dans notre galaxie, il y a des tas d'endroits où l'hydrogène est excité comme ça par une radiation lumineuse. C'est comme un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. En science, on ne se satisfait pas d'un seul résultat avec une seule instrument sur un seul radiotélescope. Et quand même, le résultat est assez clair. Parfois, on est beaucoup plus en doute par rapport à la qualité du résultat. Ouais, je pense que le premier papier, c'est une mesure. Les résultats sont fiables. De cette mesure, on déduit que cette émission de l'hydrogène a été produite très tôt dans l'univers et on donne un chiffre de 180 millions d'années. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on se rappelle que l'univers a 13 milliards d'années d'existence, on est très très tôt depuis le début de l'expansion et ça paraît aussi très fiable. Ensuite, après, pour expliquer pourquoi le gaz serait plus froid qu'on ne le pensait, c'est là qu'on rentre dans une espèce de prospective, une espèce d'hypothèse. Et pour moi, c'est un petit peu presque malhonnête parce que, en fait, c'est comme un joker. Finalement, les astrophysiciens à l'heure actuelle, dès qu'ils sont devant un problème qu'ils ne savent pas expliquer, ils sortent la carte matière noire. On n'en est pas du tout là. Pour moi, on n'en est pas du tout là. Il y a bien, bien d'autres phénomènes physiques connus qui pourraient faire que le gaz que l'on observe à ce moment-là, très tôt dans l'univers, est plus froid qu'on ne le pense. Matière noire, il faut se dire que ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on la cherche. On n'en a pas trouvé du tout, du tout, du tout. Et en bref, maintenant, direction Saturne et sa lune Encelade qui pourrait théoriquement abriter de la vie. En tout cas, la lune de Saturne abrite sous sa surface un océan liquide qui pourrait effectivement abriter des micro-organismes unicellulaires connus sous le nom d'archaïnes. C'est ce qu'explique un article paru toujours dans Nature cette semaine. Des archaïnes qu'on retrouve dans certains environnements les plus extrêmes de notre Terre et notamment un archaïen méthanogène, donc qui produit du méthane, Methanothermococcus okinawensis, qui a survécu en laboratoire dans des conditions qui simulaient l'environnement de la lune glacée. Encelade. Et également sur Mars, d'autres micro-organismes également pourraient y vivre. Ce sont les conclusions de chercheurs allemands qui, au terme de plusieurs années de recherche, ont établi l'existence de plusieurs populations de micro-organismes qui peuvent survivre pendant des années dans le désert d'Atacama au Chili. On avait jusqu'ici trouvé quelques vagues traces d'ADN dans cette région qui est considérée comme la plus aride de la planète Terre, où les pluies peuvent être absentes pendant plusieurs décennies et qui ressemblent donc beaucoup à certains environnements martiens. Et alors que la France sort tout juste d'une vague de froid polaire, eh bien à l'inverse, le pôle, lui, vient de connaître un hiver exceptionnellement chaud avec des températures saisonnières supérieures parfois de 30 degrés, Zoé, aux normales saisonnières. Alors le réchauffement de l'Arctique est une tendance de fond qui est liée au réchauffement climatique. Ça fait des années que les climatologues nous le prédisent. Mais il s'agit en ce mois de février d'une vague de chaud absolument exceptionnelle, des températures parfois positives alors qu'on est en plein hiver arctique et que la température moyenne normale elle est de moins 30 degrés. Un phénomène qui est lié à la vague de froid qui touche l'Europe. Pourquoi ? À cause de l'explosion du vortex polaire qui est normalement chargé de maintenir les vents froids au-dessus des pôles. C'est ce que m'expliquait hier Étienne Capiquian de Météo France. C'est quoi ce vortex ? C'est une sorte de tube de vent fort des régions arctiques qui emprisonne l'air froid sur les régions arctiques. Et donc quand le vortex polaire est bien compact, bien organisé avec des vents d'ouest, il maintient en général donc l'air très froid sur les régions arctiques, donc sur les hautes latitudes, alors que quand il se désorganise et qu'il peut se diviser en deux ou s'éclater, il laisse s'échapper de l'air plus froid en général vers les moyennes latitudes. Et là, c'est ce qui s'est passé sur l'Europe. La cause peut rapidement devenir la conséquence en météorologie. Disons qu'il y a déjà eu des apports d'air très doux vers l'Arctique, vers la mi-février. C'est un dédoublement du vortex polaire stratosphérique, donc qui est un réchauffement très important dans la stratosphère. Donc, il a donc éclaté en deux morceaux et qui ont favorisé ce réchauffement jusque dans la stratosphère, qui s'est lui-même ensuite, par rétroaction, repropagé dans la basse atmosphère, en quelque sorte amplifié le phénomène. Et en bref, un inquiétant retour de la rougeole en Europe. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète face à la recrudescence de cas sur le continent européen en 2017, avec 21 000 personnes touchées par la rougeole et 35 décès, une augmentation de 300% en un an en Europe. C'est l'Italie, l'Ukraine et la Roumanie qui sont les plus touchés, mais les cas augmentent sensiblement aussi en France et en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, où le nombre d'enfants vaccinés de la rougeole a chuté de 91% en un an. Et pour finir, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, il y aurait un lien ténu, certes, mais un lien tout de même, Zoé, entre le fait de ne pas aimer les mauvaises odeurs et d'avoir un attrait pour les régimes autoritaires. Mais oui, en gros, la substance de cet article, dont les auteurs, il faut le dire quand même, reconnaissent eux-mêmes les limites, nous explique que si vous êtes un obsédé du Febreze, vous avez une panique des germes, vous êtes un addict à ces parfums d'intérieur affreux à la vanille, eh bien vous avez de fortes chances, ce qui fait de vous de quelqu'un d'encore plus odieux, de voter pour Marine Le Pen ou pour Donald Trump. C'est ça que nous dit cette étude qui a été publiée dans la Royal Society Open Science, qui est le résultat de 3 enquêtes en ligne, dont l'une qui a été menée auprès des citoyens américains juste avant l'élection de 2016, en leur demandant un petit peu s'ils préféraient voter Donald Trump et Hillary Clinton. Alors cette étude montre que, je cite, « les gens qui sont davantage dégoûtés par les mauvaises odeurs sont plus désireux de voter Donald Trump à ce moment-là que ceux qui sont moins sensibles aux mauvaises odeurs ». Alors comment déjà on établit cette concomitance ? Mystère. Mais comment est-ce que donc on se dit que quand vous rejetez les mauvaises odeurs, la transpiration, les matières fécales, l'urine, etc., eh bien vous préférez les régimes autoritaires? Il pourrait s'agir d'un simple désir de protection contre la maladie, nous expliquent les sécheurs. Et oui, car l'odorat joue un rôle crucial pour détecter les germes, les agents pathogènes. Les personnes qui fuient les mauvaises odeurs préféreraient eh bien une organisation sociale où la société et les différents groupes, notamment les groupes ethniques, sont séparés. Ce type de société réduit les contacts entre les groupes et réduit en théorie les risques de tomber malade. Alors, on pourrait quand même trouver ça un petit peu facile de dire que finalement, c'est parce que finalement vous êtes hypochondriaque tout bêtement que vous allez voter pour des régimes populistes. Voilà, mais c'est une information qu'on vous laisse comme ça. Oui, c'est ça, on va plus faire aucun commentaire, on va peut-être supprimer même cette rubrique. Et si vous êtes de gauche, vous aimez le caca, donc ça c'est un petit peu le corollaire qui est un peu compliqué aussi à accepter. Mais bon. Je ne vous en demande pas plus et je vais vous dire à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et si l'imaginaire populaire aura retenu du livre de Mary Shelley sa créature au point de la confondre avec son créateur, Frankenstein désignant au fil de l'histoire alternativement le savant et le monstre, Frankenstein ou le Prométhée moderne, a publié il y a exactement 200 ans, le 11 mars 1818, de façon assez confidentielle, hein, je le disais tout à l'heure, avec seulement 500 copies et surtout de façon anonyme à l'époque. Imaginez un roman fantastique et scientifique écrit par une femme au début du 19e siècle, et bien ce roman pose surtout pour la première fois les bases d'un genre absolument nouveau, celui de la science-fiction. Alors pour en parler autour de cette table, Catherine Lannon, qui est professeure de littérature britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, Jean-Claude Audin, qui est enseignant-chercheur en intelligence artificielle, et Simon Rio, rédacteur en chef du site Écran Large. Ce qui est intéressant d'emblée pour commencer cette conversation dans le Frankenstein de Mary Shelley, c'est qu'on trouve précisément, Catherine Lannon, tous les ingrédients qui vont constituer au fur et à mesure le genre de la science-fiction au moment de son essor au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on trouve un attrait pour la science, la figure du scientifique, du fantastique et en même temps la dimension politique, morale, qui est très importante et qui va constituer le socle de la littérature d'anticipation dans les grandes époques de son âge d'or au début du XXe siècle. Oui, en fait, elle réinvente le roman gothique, elle se nourrit du roman gothique. On se souvient de la genèse du roman La Villa Diodati, le concours pour écrire le conte le plus terrifiant possible. Alors racontez-nous le contexte, parce que tout le monde ne le connaît pas et c'est assez vertigineux, c'est assez virtuose en tout cas. Oui, c'était un moment très particulier puisque c'était l'été sans été, justement, l'année sans été. Le volcan Tambora avait fait éruption en Asie et les cendres du volcan Tambora avaient assombri l'atmosphère au point qu'il pleuvait tout le temps. Et donc, un soir pluvieux, Byron a lancé un concours à qui écrirait le meilleur conte gothique ou le meilleur poème gothique. Et la seule qui a vraiment écrit un récit, c'est Mary Shelley. Elle a longtemps hésité et puis elle a eu un rêve où elle a vu un étudiant de médecine pâle penché sur la créature qu'il avait créée et elle a commencé par la fameuse scène de création. Donc elle reprend le surnaturel, le fantomatique, etc. Mais pour faire un texte qui est un texte fait de pièces rapportées, de récits enchâssés, qui mêle divers textes, diverses sources. Donc le texte lui-même est une sorte de texte monstrueux composite et elle parvient à inventer un nouveau genre qui est le genre de la science-fiction en se nourrissant de toute la science spectaculaire de son époque et pour poser les enjeux éthiques de la différence, en fait, non seulement de la création dont on va sûrement parler, mais aussi de la différence de l'autre. Oui, je pense que le point important dans le roman Mary Shelley, c'est un des deux grands romans du 19e siècle qui marque, et particulièrement sur Mary Shelley, une réflexion éthique sur les progrès de la science. Auparavant, tout ce que fait la science est bon pour l'homme, et à partir de Mary Shelley, effectivement, on s'aperçoit que, eh bien, la science peut conduire à des travers, à des effets de bord, et à des choses plus ennuyeuses. Et ça sera évidemment confirmé un peu dans le drame beaucoup plus tard par Hiroshima et Nagasaki, où là, c'est la fin de la croyance du bienfait de la science tous azimuts. Du positivisme scientifique. L'autre œuvre à laquelle vous pensez, c'est La Future de Villiers-l'Isle-d'Adam, non ? Voilà, La Future, qui est plus tardive. Fin 1886, de mémoire. Voilà, et qui est... Alors, faut savoir qu'au 19e, il y a beaucoup de nouvelles sur les automates. Le 18e siècle est le siècle des grands automates, avec évidemment le précurseur Jacques de Vaucanson, puis ensuite les frères, la famille Jacques et de Rose à Neuchâtel. Et d'ailleurs, à cet été-là, ils sont pas loin. Enfin, ils ont fait plusieurs voyages à côté de Neuchâtel. Donc, Mary Shelley, il est certain qu'elle avait cette culture des automates. Elle le dit elle-même. Elle en discutait avec son mari et avec Byron des avancées scientifiques. Et donc, elle est parfaitement au courant de tout ça. Simon Rio, sur la nature, vraiment, parce que évidemment l'histoire de la littérature retient Frankenstein comme étant le point zéro, le premier roman de science-fiction. Il y en a certainement des débuts ou des germes dans d'autres romans auparavant, mais ce qu'il y a, c'est que Mary Shelley concentre vraiment tout ce qui va constituer le genre au XXe siècle. Absolument. Alors, ce qui est très particulier et très intéressant avec Frankenstein, c'est qu'à bien y regarder, à regarder le corpus des adaptations qui ont été faites du texte de Shelley, c'est ce corpus qui est un véritable monstre de Frankenstein. Je veux dire par là qu'il est très disparate, qu'il entretient finalement un rapport assez fin, assez ténu avec le texte original, et que beaucoup des éléments qui sont dans la culture populaire, on va dire, ou dans l'imaginaire collectif constitutif du mythe de Frankenstein, en réalité, n'appartiennent pas au roman. Je pense à la figure de l'assistant bossu Igor. Igor, bien sûr. La joie venant attaquer le château de Frankenstein, ou l'image de Frankenstein qui n'est plus un jeune romantique mais un savant fou, on pense à l'image de Peter Cushing, quasiment criminel ou pervers, ce sont des choses qui sont des créations disparates que le cinéma va transformer, qui va être le Frankenstein du cinéma, qui est assez différent. Et donc c'est ça, à mon sens, la particularité de ce roman, mais c'est peut-être là aussi où en creux on voit combien il a été séminal et important, c'est qu'il est à ce point-là. Vous parliez de point zéro de la science-fiction, il est à ce point zéro, il est tellement important qu'on a pu tirer cette pelote de laine dans une quantité de directions très différentes et participer de cette œuvre et la laisser infuser et grandir dans la culture populaire. Peut-être qu'il faut rappeler, Catherine Lannon, un mot aussi de la biographie assez terrifiante de Mary Shelley, qui a une vie absolument épouvantable, dans laquelle se succèdent les drames. Elle est quasiment orpheline, elle connaît pas sa mère, elle va perdre quasiment tous ses enfants. Enfin, elle est elle-même dans un rapport à la vie, à la mort, qui est un rapport extrêmement particulier, extrêmement sensible. Alors c'est un rapport double à la biographie, parce que d'un côté, elle a une destinée exceptionnelle pour une femme en étant la fille de Godwin, un philosophe, et de Mary Wollstonecraft, une féministe avant l'heure, donc une auteure de romans, etc. Ses deux parents ont utilisé la fiction comme laboratoire philosophique. Et donc elle a ce pédigré-là qui est exceptionnel, et elle va à son tour écrire. Elle est l'épouse de Shelley, donc elle baigne dans un milieu extraordinaire. L'épouse de leur deuxième noce de Shelley, qui était un grand, voilà. Un grand libertin, elle était sa maîtresse avant d'être son épouse. Oui, alors c'est compliqué, c'est une romance extrêmement compliquée, ils se sont enfuis, elle est toute jeune, hein. elle rencontre Shelley, elle est toute jeune, à 16 ans, et ils vont s'enfuir alors que Shelley est déjà mariée, et son père, qui prônait l'amour libre, qui avait écrit un texte contre le mariage, ne lui pardonne pas et ne lui reparle pas. Et donc déjà, là, la fuite est compliquée, ils partent avec la demi-sœur, donc Shelley va toujours être s'empresser auprès des demoiselles en détresse, et elle est souvent seule, elle est souvent dans la solitude du monstre, c'est aussi sa solitude à elle. Et elle n'a pas connu sa mère, donc la romance avec Shelley se noue sur la tombe de la mère. Et elle perd un enfant en 1815, elle perd une petite fille après quelques jours, et elle fait un rêve là encore, et elle rêve que elle met cette petite fille devant le feu, qu'elle la frictionne et que la petite fille est ranimée. Elle va perdre l'un après l'autre ses trois enfants, et elle n'aura qu'un enfant qui survivra. Donc c'est une destinée tragique. Un mot peut-être aussi pour est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'intérêt que portait, alors vous citiez à juste titre l'héritage intellectuel et philosophique de ses parents. On voit que Frankenstein, peut-être il faut le rappeler aussi, est un grand conte philosophique, comme le sera d'ailleurs la grande science-fiction dite de l'âge d'or, c'est-à-dire que c'est un prisme pour parler de la différence, de la tentation démiurgique, d'un certain nombre de thèmes, Jean-Claude Denain, qui sont à proprement parler des thèmes philosophiques qui parcourent d'ailleurs la réflexion romantique ou post-romantique du 19e. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, elle en fait état dans sa préface de 1831, hein, à la réédition en son nom cette fois-là du roman. Et elle parle beaucoup des longues discussions qu'elle a avec Byron, avec son mari et avec d'autres, où ils passent leur soirée à discuter des sciences et de philosophie des sciences, d'une certaine manière, un peu avant l'heure. Elle cite explicitement Darwin, mais comme je le disais, ils sont très au courant. A priori, son mari était très intéressé par les automates et qui sont encore très connus en Europe. Hein. Aujourd'hui, on voit ça d'un œil un petit peu vieillot, mais ça a été une vraie révolution, et c'était connu dans toute l'Europe entière, les automates de Vaucanson et des jaquets de rose. Donc c'était très important. Et donc voilà, cette réflexion, c'est vrai que elle est unique à cette époque-là, au début, alors que tout le monde encore croit à cette époque que la science va apporter le bienfait pour tout le monde. Catherine Lannon. Oui, la grande différence avec les films, c'est que le prototype de Frankenstein, enfin du monstre, puisque le nom a été donné au monstre, à la créature, ne parle pas au départ dans les films, tandis que dans le roman, il prend la parole et il se défend, et c'est un traité philosophique. Et il a de longs monologues, tout à fait, où il raconte ça, on va en reparler dans un instant, mais le monstre, effectivement, est très bavard dans le roman. Et il apprend à lire, et il apprend à parler, et il se nourrit de ses lectures, donc c'est... Et pour repréciser le contexte scientifique, qui est un contexte intéressant, à l'époque, il y a un scientifique qui s'appelle Luigi Galvani, qui est un scientifique italien, qui étudie les contractions musculaires provoquées par l'électricité sur les grenouilles. Et on pense, en effet, au début du XIXe siècle, que l'électricité est le moteur de la vie, en tout cas le vecteur de la vie. Je vous ai apporté un extrait alors de l'un des tout derniers Victor Frankenstein. C'est le Victor Frankenstein que l'on trouve dans une série, une assez bonne série au demeurant, si on s'en tient à la première saison, qui s'appelle Penny Dreadful, une série de type un peu gothique où plusieurs personnages des romans gothiques du 19e se côtoient à Londres. Ce jeune Frankenstein, c'est un Frankenstein torturé, toxicomane, mais on y entend à l'intérieur les racines du savant fou Démiurge. Il est interprété par le jeune Harry Treadaway dans cette série Penny Dreadful. Écoutez. Votre maître a dit que vous pourriez nous aider. Je n'ai pas de maître. Le propriétaire des lieux, voulais-je dire. Apportez-le en dissection. Je ne pratique pas la médecine. Je me consacre à la recherche. Vous tenez un couteau plein de sang comme tous ceux qui sont ici. Alors ne faites pas tant de manières. Vous connaissez les courants électriques ? Votre nation progresse si vite alors que nous besognons dans la nuit ancestrale de la tourbe et du charbon. Êtes-vous familier des principes et des applications du galvanisme ? Comme tout un chacun. J'ai besoin au plus vite d'une nécropsie. Nous assisterez-vous ? Monsieur, je me consacre uniquement à la recherche. Pourquoi m'imposerais-je l'ennui d'explications que vous ne pourriez comprendre ? Soyez aimable, cessez de me faire perdre mon temps et sortez. Voilà, Catherine Lannon, on retrouve un peu du vrai, enfin du Frankenstein originel de Mary Shelley dans cet extrait. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais c'est l'époque de la science spectaculaire. Il y a un livre de Richard Holmes qui s'appelle The Science of Wonder, c'est-à-dire c'est les merveilles de la science. Et il y a des expériences tout à fait extraordinaires. Il y a Galvani, il y a Aldini qui fait aussi se réveiller à mort, hein, qui sûr, met des électrodes sous des corps décédés, voilà. et qui du coup provoque des contractions musculaires. Oui. Et fait se réveiller les morts littéralement. Voilà. Et Humphrey Davy aussi qui fait des expériences avec les piles électriques qui fait jaillir la lumière. Donc c'est la chimie merveilleuse. C'est presque l'alchimie qui revient et qui va permettre de transmuter tout. Le 19e est un siècle de progrès scientifique et c'est le siècle aussi de la révolution industrielle. Donc on parle souvent de notre époque à nous comme étant en accélération constante avec énormément de découvertes. Mais en fait, le 19e siècle, c'est un vrai changement de monde. On passe de l'ancien monde de la royauté, on pourra peut-être y revenir, et d'une conception scientifique encore archaïque à l'électricité, à la vapeur, à l'invention du cinéma, de l'aéroplane. Enfin, le 19e siècle est absolument fantastique de ce point de vue-là. Donc, il baigne dans Mary Shelley en particulier et ses amis, dans une ambiance de progrès scientifique qui semble débridée. Et ce qui est intéressant dans ce progrès scientifique au 19e, et je vais m'adresser à vous, Sylvain Rieux, justement sur cette occurrence du couple Victor Frankenstein et sur la créature d'Opin Dreadful, qui est aussi une créature très romantique et finalement beaucoup plus proche du roman que ce que sera Boris Karloff après. Elle est beaucoup plus proche et elle revient à une idée de la vulnérabilité, de la sensibilité. C'est un être sensible et un être qui progresse, qui avance, qui apprend, qui est une intelligence, alors artificielle peut-être pas, mais qui en tout cas a une intelligence et n'est pas simplement cette espèce de corps terrible et puissant. Mais là où effectivement il y a, on va dire, peut-être une panique théorique, une angoisse théorique et qui fait l'acte de naissance de la science-fiction dans le texte, il y a une angoisse existentielle néanmoins dans tous ces films et dans toute l'idée de Frankenstein, c'est-à-dire que, en quelque sorte, cette créature, au cinéma, elle préfigure un petit peu le zombie. C'est ce corps réanimé, ce corps mystérieusement animé qui n'est pas tout à fait humain ou auquel on n'accorde pas d'être humain. Et peut-être qu'une des adaptations, on va dire indirectes, mais les plus intéressantes de Frankenstein, on la trouve justement chez le père du zombie moderne, chez Romero, dans Le Jour des Morts Vivants, au début des années 80, où on trouve Bub, un zombie qu'un scientifique tente de amené à la conscience, à la raison. Il essaye de se raser, il essaye de l'éduquer, effectivement. Absolument. Et il y a là un hommage d'un maître à un autre qui est assez bouleversant en tant que geste artistique et qui est vraiment, comme transposition des thématiques de Frankenstein, assez pertinent et assez intelligent. Ce qui est peut-être intéressant et ce qu'il faut soulever, ce que vous dites tous à demi-mot, c'est que dans cette science du début du 19e siècle ou du 18e siècle, dans cette science de la révolution industrielle, la science est encore aux frontières de la magie. Et c'est ce qu'on trouve dans Frankenstein. C'est-à-dire que dans l'électricité, il y a quelque chose de magique dans les spectacles électriques que vous mentionnez, Catherine Lannon. Quand on réanime des cadavres, la science permet quelque chose qui est encore proche de l'acte magique. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Audin ? Il y a quelque chose de cette conjonction-là, du fantastique et du scientifique dans Frankenstein. Oui, parce que l'histoire des créatures artificielles, dont le monstre de Frankenstein est l'archétype, suit toujours un petit peu les mêmes ingrédients. Il y a un premier ingrédient qui est un savant ou quelqu'un qui connaît, qui maîtrise en tout cas une technologie et qui va décider de créer un androïde, une créature à partir de cette technologie. Mais en Occident et en France et en Angleterre en particulier, dans toute l'Europe, c'est une transgression des dictats religieux. Hein. Dans toutes les grandes religions du bassin méditerranéen, évidemment en chrétienté, il est absolument banni. Hein. C'est un des commandements du décalogue qui dit « tu ne créeras pas de créature ici-bas ». Donc c'est une transgression due à cette fascination de la création et qui conduit généralement... Alors l'homme n'est pas capable de donner la vie. Seul Dieu le peut. Et donc, il faut un événement extérieur qui va le donner. Alors, auparavant, dans les histoires, c'était plutôt un démiurge. Par exemple, dans le mythe de Pygmalion, c'est Aphrodite qui vient donner la vie à la statue. Alors que là, c'est la science moderne, c'est l'électricité, c'est l'orage qui permet de donner vie au corps. Donc on retrouve et avec ce côté, encore une fois, comme on le disait, la surnaturelle. Hein, c'est surnaturel. Mais l'histoire va virer au tragique, tout simplement parce que c'est une transgression. Et il s'ensuit généralement une malédiction, et ça on va le retrouver ensuite dans toute la science-fiction, même dans le cyberpunk, où on a ces créations qui s'ensuit, et derrière ça va aller jusqu'à la révolte des machines, où les machines veulent toutes nous tuer. Oh, il y en a quand même quelques-unes qui sont gentilles, mais ça, c'est l'histoire d'une autre émission. Catherine Lannon, sur ce lien finalement entre science et magie qui n'est pas tout à fait anodin, le monstre, c'est le monstre de foire, l'électricité, ce que vous décriviez, ces expériences, c'est celle qu'on montre aussi aux fêtes foraines, dans les foires, on est dans cet imaginaire scientifico-magique, scientifico-populaire, où on se souvient évidemment aux premières projections de cinéma, les gens s'enfuient de la salle parce qu'ils ont peur de voir ces images en mouvement. Il y a quelque chose de cette science populaire qui est encore vraiment très empreinte d'une sorte d'animisme, en quelque sorte. Oui, en même temps, elle fait un saut fantastique en avant en posant la question des enjeux. Des enjeux de cette puissance de création. Elle va au-delà du spectaculaire, au-delà de la magie, en disant mais quelles seront les conséquences de toute cette puissance scientifique. Donc d'un côté, il y a Shelley, son mari, qui lui est dans le côté spectaculaire, qui à Oxford fait des expériences dans sa chambre et est fasciné par l'électricité, le fluide de l'électricité. Et elle prend tout ce côté spectaculaire, mais elle en fait un conte philosophique en posant la question de l'éthique, et de la différence, évidemment, de la monstruosité qui n'est pas forcément chez le monstre et qui peut être chez l'humain. Pour revenir au roman, j'aimerais vous faire écouter également ce qu'en dit l'un des interprètes de la créature de Frankenstein. Alors, ça n'est pas Boris Karloff. Non, c'est dans le remake de la Hammer de la fin des années 50, c'est Dracula qui joue Frankenstein. C'est-à-dire que c'est l'immense Christopher Lee qui prête ses traits au monstre. Écoutez-le dans ce français impeccable. On m'a proposé le film de Frankenstein, je connaissais naturellement l'histoire. Je l'ai lu, le roman, qui est incroyablement long et très ennuyeux de temps en temps. Ça vous fait dormir. C'est académique, vous savez, c'est extraordinaire, parce que la créature parle sans arrêt, comme un psychologue, comme je ne sais pas quoi. C'était presque impossible de présenter la créature comme elle était écrite. Et puis, en 57, la compagnie des Hammer m'a approché. Ils savaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait la mime, qui pouvait faire des gestes et qui pouvait faire des mouvements sans parler. Pour moi, c'était un enfant. C'était un objet qui était assemblé, si vous voulez, de morceaux, de pièces différentes, de cadavres, le cerveau d'un meurtrier, d'un malade. Alors les yeux de quelqu'un d'autre, un œil était aveugle, des cicatrices, etc., des mauvaises cicatrices de chirurgie mauvaise, tout ça, qui, les mains n'étaient pas contrôlées par le cerveau, alors tout était à part. Et puis les jambes, il perdait son équilibre. Et puis il ne marchait pas comme un être humain. Et puis les gestes n'étaient pas comme les gestes d'un être humain. Tout était séparé. Tout. Les mouvements de la tête, tout ça. Alors, c'était très difficile. On a fait quelques essais qui étaient terribles. Et puis j'ai dit, enfin, il doit être moitié humain. Alors mettez des morceaux de n'importe quoi sur la tête, etc., etc. Et mettez tout ça que vous avez vu dans le film. Et il y avait quelqu'un qui a dit que c'est comme un accident de la rue. Mais il serait comme ça, ce monsieur. Ce monsieur, cette créature qui d'un seul coup accède dans les mots de Christopher Lee à une forme d'humanité ou de sociabilité. Qu'en pensez-vous, Catherine Lannon? Vous l'entendez, hein, Christopher Lee dit ce roman qui n'en finit pas, qui est extrêmement long, très ennuyeux, la créature bavarde qui parle tout le temps. Je trouve que c'est un témoignage extraordinaire qu'on vient d'entendre. Bien sûr, je ne serais pas du tout d'accord sur le côté extrêmement long de la confession de la créature. Il y a un spectacle qui a été mis en scène à Londres il y a peu de temps par Danny Boyle avec Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller qui justement prenait le parti de faire parler la créature et de montrer le point de vue de la créature et d'essayer justement de faire ce que les films n'avaient peut-être pas fait, de représenter ça sur scène. Peut-être que c'est plus théâtral, ce long monologue et ces phrases, cette plainte, cette mélopée sans fin. Que cinématographique, je ne sais pas. C'est peut-être. Alors il faut savoir que les premières adaptations de Frankenstein sont des adaptations théâtrales. C'est-à-dire que oui, le roman a été si vite, si important, si fondateur que il a migré, on va dire, d'autres formes. Et la toute première adaptation cinématographique, elle est de 1910, si je ne m'abuse pas. C'est un court-métrage de 15 ou 16 minutes. Et c'est déjà une adaptation théâtrale. À noter d'ailleurs que, pourquoi Boris Karloff a eu le rôle, c'est parce que Bela Lugosi l'a refusé, ne souhaitant pas se retrouver grimé, qui jouera Dracula, hein, à la même époque. Absolument. Et qui ne souhaitait pas faire disparaître son visage. Eh bien, on est allé chercher Boris Karloff qui l'interprétait au théâtre. C'est-à-dire que je pense que, de même que le personnage de Frankenstein dans le texte, en réalité, se révèle être quelqu'un qui ne veut pas créer tant la vie qu'une très bonne illusion de la vie, parce qu'une fois la vie créée, il lui incombe des responsabilités qu'il n'est pas prêt à admettre. Il n'accepte pas qu'il n'a pas le droit de disposer de sa créature. Et bien, de la même façon, je pense, les premiers qui ont voulu adapter ou transposer Frankenstein n'ont peut-être pas saisi la nature exacte et l'importance de l'œuvre. Et c'est pour ça que de cette œuvre de science-fiction, on est arrivé à une œuvre d'horreur. Peut-être que ce qui est intéressant dans ce mythe de Frankenstein pour arriver au XXe siècle, effectivement, aux différentes adaptations cinématographiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce tout premier film, donc, qui reste à peine une copie très très endommagée de 1910, il n'y a pas du tout d'électricité, il n'y a pas du tout encore tout le folklore scientifique qui va rentrer dans l'imaginaire collectif. C'est une poudre qu'on jette dans un feu et pof, c'est-à-dire qu'on recrée, on retrouve quelque chose qui va vous être cher, Jean-Claude Audin, on retrouve le golem en fait. Hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est une créature qui sort de nulle part. Oui, là, enfin, je ne sais pas si Marie Chalet devait très certainement connaître l'histoire du golem, puisqu'il y a des similitudes frappantes avec cette histoire. Je ne vais pas redire les différentes étapes que j'ai mentionnées avant, mais on retrouve exactement la même chose. La création, donc là, dans Frankenstein, on coud des morceaux de cadavres. Le golem, lui, il est fait à partir d'argile, et puis il faut encore une fois une action magique pour lui donner vie, et puis après, il échappe à son créateur, tout comme le golem. Et encore une fois, on retrouvera ça dans toutes les grandes histoires de créatures qui se révoltent et qui finalement en veulent à notre vie. C'est une conception très occidentale, hein. On n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais elle est carrément opposée à celle au Japon où c'est complètement l'inverse, je dirais, où la créature est là pour sauver l'humanité. Et donc, on est dans une conception complètement différente. On peut dire, oui, Catherine Lannon, vous voulez réagir à ce que... Non, c'était pour revenir à votre question précédente. En fait, j'ai été très frappée parce que vous aviez dit au début que chaque époque a son Frankenstein et sa réécriture du mythe. Et en fait, s'il y a ce long développement du monstre au milieu, c'est aussi que c'est un monstre politique. C'est aussi que c'est une conjoncture politique et c'est aussi qu'il est issu de la Révolution française et qu'il représente la rébellion de la Révolution française et cette rébellion qui a fasciné les parents de Marie Shelley, les romantiques Frédéric Chélet, qui était un passionné révolutionnaire, et puis cette révolution qui s'inverse en terreur, et donc le côté monstrueux de la révolution. Donc ça explique peut-être ce côté très disert du monstre aussi. Ce qui est intéressant finalement, c'est peut-être que dans le film, alors on va parler de ce film de 1931, parce que là vous avez tous apporté votre version du livre, et sur chaque version, c'est assez amusant, il y a la tête de Boris Karloff. Donc c'est dire, sauf sur la version en anglais d'ailleurs, oui. Catherine Lannon, mais sur les versions françaises, le j'ai lu, et puis votre republication, votre réédition, Jean-Claude Dedin, il y a la tête de Boris Karloff. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est Boris Karloff qui fixe le mythe, qui fixe, et pas seulement Boris Karloff, c'est le film de James Whale qui fixe ce mythe, qui fixe tout, qui fixe le savant, je parle... Qui fixe le décor, qui fixe le laboratoire, le savant fou. Qui fixe les stéréotypes, on va dire, des futures adaptations de Frankenstein, mais même des stéréotypes du cinéma fantastique en général. Cette image que nous connaissons tous de la foule venant se révolter à torche et lance hallebarde à la main, ça vient de là. Métropolis, Fritz Lang s'est beaucoup inspiré... évidemment de ces scènes, hein. Oui, même de l'électricité pour donner naissance au robot Futura dans le film. Simon Rio, oui absolument. Pour continuer sur la façon dont le film a fixé. Le film, mais surtout, alors on va dire, les films de cette époque-là, parce qu'il va y en avoir trois avec Boris Karloff, et il faut aussi citer des œuvres comme La fiancée de Frankenstein, Bride of Frankenstein, qui vont encore une fois continuer à hybrider le mythe, à l'élargir, à le, je n'ai pas envie de le dire, le nuancer, c'est pas un bon terme, mais on va dire à l'enrichir et à le transformer petit à petit, et à le transformer dans l'esprit du public. Et s'il y a bien une chose qui est fascinante, en tout cas au cinéma avec Frankenstein, si vous voulez, c'est que, à mon sens, il est absolument invraisemblable que cette icône ait survécu tant elle a été tordue, déformée. En 1966, on arrive quand même à Jesse James contre Frankenstein. On a eu Frankenstein contre les deux Nigo avec... des trucs qui auraient... Il n'y a pas eu un Charlot contre Frankenstein? C'est pas fou, avec Bernard Ménez. Il est pas impossible que... Mais Frankenstein 90 avec Jean Rochefort et Eddie Mitchell. Absolument. Et pourtant, l'icône survit. Pourtant, l'icône ne se dénature jamais tout à fait. Et il y a une survivance de cette entité qui est assez bouleversante, je trouve. Ce que je voulais vérifier, c'est que Metropolis est antérieur au Frankenstein de James Whale. C'est 1927 et le Frankenstein de 1931. Alors, je vais juste revenir sur un point important. C'est cette histoire de révolution ça me semble, je voulais juste donner cette information qu'il y a un texte de 1790 de Félix Nogaret, donc un Français, et qui est qualifié de Frankenstein de 1790. C'est une nouvelle où on a l'histoire d'une jeune femme qui veut trouver un mari. Et il y a des fabricants d'automates qui arrivent, dont un certain Frankenstein, et dont le prénom, en quelque sorte, c'est Wack. Alors c'est un prénom bizarre, hein, Wackwick Vaucanson. Donc il y a des références directes. Alors on ne sait pas si Marie Shelley avait connaissance de ce Frankenstein avant l'heure, hein, 26 ans plus tôt, mais en tout cas, c'est assez troublant. Voilà un extrait du film de James Whale, du Frankenstein de 1931. Ce qui est intéressant dans la façon dont ce film va fixer l'imaginaire autour du mythe de Frankenstein au sens large du terme, c'est que Catherine Lannon, c'est d'un seul coup, Frankenstein n'est plus ce savant romantique, ce Prométhéus, ce Prométhée moderne, c'est un savant fou. Oui, le terme de scientist n'existait pas d'ailleurs à l'époque, donc de Marie Shelley, hein, donc le stéréotype se module et évolue. Ce qui est formidable dans le roman, c'est que autant la science était spectaculaire à son époque, autant la scène de création est extrêmement mesurée, hein. Il se passe très peu de choses avec une anxiété qui me mettait à l'agonie, je disposais à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte à mes pieds, et c'est ça, c'est juste ça. C'est étincelle de vie et l'œil jaune de la créature s'ouvre par cette nuit lugubre de novembre et tout est là. Et il ne l'appelle jamais que It, donc il le réifie dans toute la scène et il s'enfuit tout de suite, il ne le supporte pas. Donc c'est complètement le contraire dans le film de Whale où il y a cette extraordinaire machinerie et ce côté spectaculaire qui a hanté les imaginations. Mais là où on pourrait s'amuser à faire une lecture très féministe, sinon féminine, du texte de Frankenstein sur aussi cette incapacité d'un homme à créer et à se sublimer seul, et à une certaine, on va dire, défaite masculine, une défaite de l'hubris masculin. Ce qui est intéressant, c'est que le cinéma, ce qui est amusant, a lui au contraire essayé de contrebalancer en faisant justement cette espèce de savant fou qui, aussi dangereux et méchant et pervers soit-il, quand même jouit de pouvoir créer cette créature. Ce dialogue-là aussi est assez cocasse. Quel est, selon vous, Simon, pourquoi cette version de Whale, de Frankenstein, qu'est-ce qu'elle va ancrer en fait dans le récit de la culture populaire, peut-être pas autant, ou en tout cas au moins autant, disons, que Dracula, mais pas autant que les autres monstres de cette époque qui sont l'homme invisible et le loup-garou. Pourquoi est-ce que Frankenstein s'ancre, parce que c'est vraiment là le point d'ancrage, le point de jonction avec la culture populaire. Alors il faut peut-être se garder à ce moment-là, je dirais, de justification trop symbolique, trop métaphysique, mais peut-être voir qu'on arrive justement, on est en 1931, à un point de jonction technique aussi, c'est-à-dire qu'on commence à être capable de représenter cette histoire de manière convaincante, que en matière de photographie, d'effets spéciaux, de maquillage, on est capable d'aboutir à quelque chose qui va marquer durablement les esprits. Quelques années plus tard, c'est notamment Lon Chaney qui reprendra également le rôle et qui va encore apporter pas mal de choses à la représentation de ces personnages, mais je pense qu'il faut peut-être tout simplement voir, on va dire, une certaine maturité artistique et technique du cinéma qui permet tout d'un coup de cristalliser cette adaptation. Alors si on poursuit l'examen de ces différentes facettes et de ces différentes réinterprétations du mythe de Frankenstein, eh bien la suite, ça se passe à la fin des années 50, on en parlait tout à l'heure, c'est le retour de la Hammer qui va récupérer tous ces grands monstres de la culture populaire des années 30, avec cette fois dans le rôle de la créature Christopher Lee. On est en 1957, le film s'appelle The Curse of Frankenstein. More than 100 years ago, in a mountain village in Switzerland, lived a man whose strange experiments with the dead have since become a legend. A legend that is still told with horror the world over. We've only just started, just opened the door. But now's the time to go through that door and find what lies beyond it. But don't you see, Paul? We've discovered the source of life itself, and we've used it to restore a creature that was dead. This is Frankenstein, who revolted against nature, who experimented with the devil and was forever cursed. His unwilling collaborator was Paul Kremp. Et là, on a un changement de paradigme intéressant qu'on entend tout de suite, hein, dès la façon dont on, puisque c'est un extrait de la bande-annonce dont on veut présenter, dont on veut vendre le film, Simon, c'est que là, ça n'est plus du tout la créature qui nous intéresse, c'est Peter Cushing, c'est Victor Frankenstein qui devient le héros et qui va être le personnage central des 5 ou 6 ou 7 films, je ne sais plus, qui ne vont être en tout cas que la déclinaison de ses aventures. Alors absolument, mais quand bien même on revient à la figure de Victor Frankenstein, c'est une figure, encore une fois, largement altérée, parce qu'on n'est plus face à ce jeune surdoué, passionné, en gros à ce jeune héros romantique. Là, on est face à un vieil homme obsessionnel, le Mad Scientist, dans toute sa gloire. C'est le savant fou, hein, la naissance du savant fou. C'est la naissance du savant fou, pervers, obséquieux, cette espèce de fin de race horrible avec tout le phrasé absolument glaçant de Cushing. C'est-à-dire qu'on revient à Frankenstein, mais à nouveau pour le tordre et le distordre. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette reprise? Comment vous la lisez? Est-ce qu'on a complètement abandonné à ce moment-là ce qu'est le Frankenstein des origines? Est-ce que finalement la créature a échappé à son auteur d'origine, à Mary Shelley? Il me semble, enfin, je sais pas, mais dans les films de la Hammer, comme dans les Dracula, etc., il y a un côté un peu ludique où on reviendrait un peu aux sources du gothique, et c'est plus le Frankenstein qui pose les questions, qui pose les enjeux. Et par contre, ça va revenir sous toute une forme de métamorphose et de réécriture. Je sais pas, Terminator, ça me Absolument. Semble une réécriture de Frankenstein. Il y a énormément de mutations du monstre, et on retrouve aussi beaucoup dans la culture populaire, dans les dessins, les caricatures politiques. Et ça, c'est depuis le début. C'était Vous pensez à quoi, par exemple ? Les Irlandais. On représentait les Irlandais comme le monstre. Mais on représente aussi Saddam Hussein avec les boulons ou les verrous, comme étant le monstre de Frankenstein. Donc c'est toute la création qui échappe, toute la politique qui échappe. Donc il reste ce côté-là de tout ce qui échappe. Et puis il y a un côté plus ludique du monstre et du savant fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, assez paradoxalement, c'est un film assez récent de pure science-fiction qui s'appelle Ex Machina, qui va reprendre, notamment dans sa manière de donner le verbe et de faire parler la créature, mais qui ici est un androgyne, qui va reprendre à mon sens... Un androïde. Oui. Et non pas un androgyne. Oui, un androïde, absolument. Parce que c'est bien, cette créature est très féminine, pour le oui, coup. Oui, mais il y a tout sur le genre qui m'a un petit peu... Mais qui va reprendre énormément de traits et de concepts et d'idées issues de Frankenstein. Il y a un petit peu de Frankenstein. Einstein, finalement, dans tous les films où il est question de créatures artificielles, hein, même dans le fameux HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a cette idée de la créature qui se rebelle à un moment donné. Alors, elle déraille un peu dans 2001, mais... Le principe de la créature n'est-il pas de dérailler ? Oui. Alors, en tout cas, en Occident, c'est l'idée. Hein, oui, c'est clairement... Frankenstein est une espèce de rappel, on en a parlé au début, à l'éthique pour tous les scientifiques, puisque c'est quelque chose qui, quand on fait de l'intelligence artificielle, il y a toujours ce rappel du roman qui nous dit attention, est-ce qu'on n'est pas en train d'engendrer quelque chose qui va nous coûter cher ensuite. Et aujourd'hui d'ailleurs la terminologie a été réutilisée à plein d'égards en science. On parle de Frankenforest pour des forêts qui poussent de façon non naturelle auxquelles on oblige la croissance. On parle de Frankengene pour des gènes qui sont des gènes mutés. On parle de Frankenmoth pour des papillons nus. Enfin, le terme s'est lexicalisé pour parler précisément d'une forme d'emprise, d'enjeu sur la nature qui d'un seul coup n'est plus un enjeu naturel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement dans la culture populaire, mais Frankenstein a rejoint le mythe, a rejoint la culture scientifique. Oui, je pense que c'est ça. Et à chaque fois aujourd'hui qu'on est sur ce type des recherches qui visent à créer ou l'intelligence ou la vie, le mythe revient au galop dans les réflexions éthiques avec une terminologie que vous avez citée. Sergio Cavanero qui veut greffer une tête sur un corps, on parle de Dr. Frankenstein. Tout à fait. Et donc, c'est pour moi, comme je l'ai dit, le début de la réflexion éthique réelle en science et d'essayer de comprendre. Alors il y aura ensuite évidemment dans les années 45-50 les romans avec les trois lois de la robotique qui vont Asimov, hein, et qui aussi aura une grande réflexion éthique autour de ces sujets-là. Mais finalement voilà, vous liez énormément, on aura compris, hein, Frankenstein à l'être artificiel, à la créature artificielle et à l'androïde. Moi, j'ai une question, on arrive dans les dernières minutes de cette émission, une question pour vous, Simon Rieu, et puis une question plus générale sur l'héritage aujourd'hui de Frankenstein. Mais d'abord, est-ce que finalement ce mythe de Frankenstein, quand on essaye de retourner aux origines, n'est pas trop complexe aujourd'hui pour être récupéré et retransmis par le cinéma, par une vision d'auteur, comme a pu l'être par exemple Dracula par Coppola dans les années 90, toutes les tentatives, celle de Kenneth Branagh est assez ratée, il y a un Victor Frankenstein qui vient de sortir qui est aussi raté, on ne sait plus se saisir du monde de Frankenstein. Est-ce que ça veut dire que le Frankenstein originel de Mary Shelley aujourd'hui est un monstre, que ce soit le monstre ou le savant fou ou la créature, en tout cas un univers trop complexe, trop philosophique pour pouvoir être simplifié pour Je ne sais pas s'il est trop complexe. Je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des adaptations de Frankenstein sont héritières de celles qui les ont précédées, héritières d'une tradition, héritières de représentation, et que j'imagine que le réalisateur, le scénariste qui voudrait aujourd'hui vendre une adaptation de Frankenstein très fidèle philosophiquement à l'œuvre originelle ferait tomber des nus les producteurs qui l'écouteraient parce qu'ils ne reconnaîtraient pas Frankenstein justement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit trop complexe. C'est peut-être tout simplement qu'on n'a pas encore attrapé par le bon bout. On parlait des transgressions de Victor Frankenstein. Déjà, il faudra un moment revenir à la figure du créateur et surtout peut-être se rappeler que s'il y a une transgression symbolique de sa part, sa véritable faute, c'est peut-être celle d'être peut-être à chercher du côté de l'éthique de responsabilité. Vous évoquez le fait qu'il fuit sitôt la créature revenu à la vie, il fuit. C'est là sa faute. Mmh. Et c'est là-dedans que se niche son péché, plus que dans la transgression symbolique qu'il accomplit, peut-être. Catherine Lennon, commencez-vous. Oui, tout à fait. Je pensais à quelque chose d'un peu différent. Il y a aussi le récit cadre. Vous avez parlé de vortex polaire tout à l'heure. Et les adaptations, dont celle de Branagh, en font un grand spectacle, mais manquent complètement, là encore, l'enjeu éthique, puisqu'elle s'est emparée aussi des enjeux géographiques de son époque. Mmh. 1818, c'est après les guerres napoléoniennes. Il y a une marine et on va l'employer à aller chercher le passage du Nord-Ouest. Le fameux, le terror que l'on vient de retrouver l'année dernière, dont on vient de retrouver l'épave, qui avait lu un roman extraordinaire de Dan Simmons qui s'appelle Terreur, justement, voilà. Qu'on conseille à tous les auditeurs. Et qui descend aussi de Frankenstein, quelque part, parce que c'est aussi, en passant par The Thing, en passant par le film... De John Carpenter. Voilà. Et le premier de Nyby, Christian Nyby. Donc c'est quelqu'un qui a capté tous ces enjeux-là de façon extraordinaire, Marie Shelley. Et également, j'y pense alors que nous échangeons, vous me demandiez pourquoi le cinéma échoue, se casse les dents souvent sur Frankenstein, peut-être aussi parce que je pense le cinéma oublie le texte, oublie la structure du texte, qui est extrêmement intéressante pour le coup, et qui, si elle ne peut pas être retranscrite telle qu'elle, n'est pas du tout une structure... chronologique classique, c'est un récit enchâssé, c'est un récit gigogne. Ce qui est le cas du Bram Stoker de Dracula, hein, qui a un Nagao qui passe à un moment donné par une correspondance épistolaire, etc. Et pourtant, Coppola réussit à en livrer une version personnelle, qui est une version qui aura marqué une partie de l'histoire du mythe. Absolument, mais je pense que la richesse de Dracula et l'intensité du texte original fonctionnent également grâce à sa structure, et que si le cinéma n'essaye pas un petit peu de se frotter à cette structure extrêmement intéressante d'un point de vue dramaturgique, on n'arrivera pas à en tirer la substantifique moelle. Catherine Lannon, vous partagez ce point de vue ? Ah oui, tout à fait. Vous nous faites rêver d'une adaptation, là. On va s'y mettre avec Simon, on va prendre un papier, un crayon, on va commencer à travailler tout de suite dessus, après les Césars. Un dernier mot pour conclure, Catherine Lannon, diriez-vous que reste-t-il aujourd'hui, quel est l'intérêt pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu le livre de Marie Shelley de replonger à la source de Frankenstein? Qu'est-ce qu'on y retrouve en 2018? Vaste question. Oui, très vaste question. C'est aussi un récit féministe, en mettant en avant ces récits d'hommes. Justement, elle a choisi de prendre ça par un angle entièrement différent et posant la question de la procréation. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Hein. C'est clairement, avant l'heure, un récit féministe. C'est quelqu'un de précurseur, non seulement sur l'aspect éthique, science-fiction, mais aussi sur la position des femmes dans la société, à une époque où c'était absolument pas facile, et avec la vie tragique qu'elle a eue. Alors on va évidemment vous conseiller de vous référer à l'édition spéciale bicentenaire que vous avez republiée chez Science e-book et que vous avez préfacé, Jean-Claude Delain. Un dernier mot, Simon Rio, au terme de cinéma, de série, si on devait conseiller un ou deux Frankenstein, ceux qui ressortent le plus à vos yeux, c'est forcément celui de James Whale de 1931 Écoutez, forcément, parce que ne serait-ce que pour son importance historique, avant même de proposer, on va dire, un point de vue critique, il est difficile d'aborder le mythe et de se pencher dessus sans le regarder. Moi, je reste extrêmement attaché à la période qui a suivi, à ce qu'on appelle les Universal Monsters, lorsque Frankenstein se balade avec le loup-garou, avec la momie, avec Dracula. Enfin, voilà, ce sont des films qui sont assez particulier, mais auquel moi je suis pour ma part extrêmement attaché. Et comme Universal est en train de ressortir ses monstres, ils vont nous ressortir Frankenstein du placard ou pas? Alors écoutez, il fut question un temps, jusqu'à il y a encore quelques mois, d'avoir un nouveau une nouvelle fiancée de Frankenstein, mais les bides retentissants du dernier Dracula et notamment de la momie avec Tom Cruise devraient nous en préserver. Eh bien peut-être que c'est un mal pour un bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Simon Rio, merci Jean-Claude Audin, merci Catherine Lannon. Je vous conseille évidemment sur ce sujet de télécharger l'excellent Grande traversée du camarade François Angelier, qui avait consacré une grande traversée il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, à Frankenstein. 10 heures de programme dont on vous met les liens tout de suite sur notre fil Twitter. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'est Dofar Guérif qui est à la technique aujourd'hui.